La nuit était noire. Quelques gouttes de pluie tombaient. Elle aspira le vent humide qui lui rafraîchissait les paupières. La musique du bal bourdonnait encore à ses oreilles. Elle faisait des efforts pour se tenir éveillée, afin de prolonger l'illusion de cette vie luxueuse qu'il lui faudrait tout à l'heure abandonner. Le petit jour parut. Elle regarda les fenêtres du château longuement, tâchant de deviner quelles étaient les chambres de tous ceux qu'elle avait remarqués la veille. Elle aurait voulu savoir leurs existences, y pénétrer, s'y confondre. Mais elle grelottait de froid. Elle se déshabilla et se blottit entre les draps, contre Charles, qui dormait. Il y eut beaucoup de monde au déjeuner. Le repas dura 10 minutes. On ne servit aucune liqueur, ce qui étonna le médecin, car il avait l'habitude d'en boire chez ses clients au cours de ses visites matinales. Charles ensuite alla prier un domestique d'atteler son boc. On l'amena devant le perron, et tous les paquets y étant fourrés, les époux Bovary firent leur politesse au marquis et à la marquise et repartirent pour Tostes. Emma, silencieuse, regardait tourner les roues. Charles, posé sur le bord extrême de la banquette, conduisait les deux bras écartés et le petit cheval trottait l'amble dans les brancards qui étaient trop larges pour lui. Les guides-molles battaient sur sa croupe en s'y trempant d'écume et la boîte ficelée derrière le boc donnait contre la caisse de grands coups réguliers. Ils étaient sur les hauteurs de Thibourville lorsque devant eux, tout à coup, des cavaliers passèrent en riant, avec des cigares à la bouche. Emma crut reconnaître le vicomte. Elle se détourna et n'aperçut à l'horizon que le mouvement des têtes s'abaissant et montant selon la cadence inégale du trot ou du galop.